Chapitre 18e. Florence était dans un singulier état d'esprit. Depuis sa rencontre avec Brigitte, elle ne croyait plus si fermement à l'innocence d'André, tant il est vrai que la calomnie, même absurde, laisse toujours quelques traces dans l'âme de celui qui l'entend. Dans le silence de sa maison déserte, en travaillant près de la fenêtre, ou bien au bout du jardin, sous les saules, en lavant du linge, dans l'eau paresseuse, elle entendait bruire à ses oreilles la phrase perfide « Il y a des gens qui disent qu'il l'a tué pour se débarrasser d'elle. » C'est vrai qu'elle avait bien persécuté ce pauvre mari, si bon et si confiant, qu'il avait épousé à la face du monde malgré tout. Et Florence se rappelait confusément, car sa mémoire s'affaiblissait, la grande robe semée de fleurs d'oranger sortant de sa caisse, et ses propres paroles à Rose, émue de colère, « Cela porte malheur, ma fille. » Rien que pour lui avoir caché cela, rien que pour avoir endossé cette parure virginale qu'elle n'avait plus le droit de porter, Rose eût mérité que son mari, son maître devant Dieu et devant la loi, lui portât un coup mortel. Et si vraiment, il l'avait tuée. Elle en était là, lorsqu'elle apprit avec les autres la nouvelle de l'arrestation d'André. Avec la ténacité de l'ignorance, elle fit un raisonnement bizarre, dans lequel elle se confirma de plus en plus. Pour qu'André eût été accusé, il fallait que quelque indice important se fût présenté. C'est ainsi qu'on raisonne le plus souvent, même quand on a une autre éducation et un autre développement intellectuel que la pauvre vieille Florence. Mandée en présence du juge d'instruction, elle fut saisie d'une grande frayeur. Son âme, lassée de souffrir, était disposée à une grande indulgence. Même si André avait tué Rose dans un moment d'indignation, était-ce à elle, Florence, qui mieux que personne savait qu'il eût pu le faire? Était-ce à elle de le livrer à la justice? De quel droit se ferait-elle l'instrument du destin pour punir? Aussi, troublée, effrayée, elle répondit à tort et à travers aux questions du juge. Tant qu'il ne s'agit que de sa maîtresse seule, il n'eut que demi-mal. Mais ensuite elle perdit la tête et s'embrouilla dans ses réponses, si bien que l'effet de sa déposition fut très défavorable à André, qu'elle semblait devoir protéger. L'aubergiste de Dauphrigny, qui avait parlé à Rose, la représenta comme un jeune monsieur avec un air méchant. L'ingénieur était très tranquille, mais fier, et ne parlait à personne. Il n'était pas rentré de toute la nuit ce jour-là, et le lendemain, quand il était revenu, il était tout défait, comme quelqu'un qui aurait fait un mauvais coup. Il n'avait pas voulu manger, était parti sans rien dire. Toutes les fatalités s'amoncelaient lentement sur la tête d'André comme un orage qui se prépare. Il en avait à peine conscience. Dès le premier jour, ayant dit l'exacte vérité, sans réticence comme sans exagération, il avait au moins cela pour lui que ses réponses concordaient toujours entre elles. Malgré cela, il fallait que la justice dît son mot et un matin Paris lut en s'éveillant. Parmi les affaires inscrites au rôle des prochaines assises, viendra celle de la disparition mystérieuse de Rose Rosier, dont la presse s'est émue il y a quelque temps. Les charges les plus graves pèsent sur l'accusé, Marie la victime, que sa bonne éducation et sa position enviée auraient dû prémunir contre un acte que la justice pourra considérer avec indulgence, mais que la morale et la raison réprouvent également. Lorsque Brigitte tomba sur cette phrase pompeuse en lisant le journal à sa tante, elle s'arrêta court. « Les assises, ma tante, qu'est-ce que c'est ?»« C'est le moment où les juges s'occupent des affaires criminelles. »« Et à quoi est-on condamné aux assises? Est-ce qu'on vous coupe la tête? Cela arrive. » Brigitte reprit son journal et lut encore quelques lignes d'une voix mal assurée. Puis tout à coup elle se leva et s'enfuit dans sa chambre. « Pauvre enfant, » pensait Herminie, « elle songe toujours à ce garçon. Les petites filles sont si romanesques. »